Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les punks. Qui aurait pu croire que le premier festival punk du monde aurait lieu en France, au cœur des Landes, dans la ville de Mont-de-Marsan, à Langy-sous-les-Pins? Qui aurait pu imaginer que des centaines de jeunes punks viendraient traverser les étendues de forêt et de pâturage pour venir écouter des groupes méconnus? Pourtant, ces organisateurs, eux, y ont cru. En 1976, quelques centaines de punks se retrouvent donc dans le sud-ouest de la France pour écouter les groupes phares de ce mouvement naissant. Le festival pourtant est un échec un peu trop en avance sur son temps. Mais un an plus tard, en août 1977, la deuxième édition bat son plein, le public, la presse et les artistes, cette fois, sont au rendez-vous. Alors, comment en l'espace de seulement 12 mois, un mouvement musical, somme toute marginal, a-t-il réussi à conquérir l'Europe entière? Car en seulement un an, il est devenu genre musical, culture et parfois cri de ralliement. Un phénomène qui nous marque encore aujourd'hui, tel est le punk. À travers cette aventure, c'est aussi l'histoire musicale des années 76 et 77 que nous allons vous raconter. Notre invitée aujourd'hui, Caroline de Kergariou, scénariste, elle est l'auteur aux éditions Perrin de No Future, une histoire du punk publiée cette année. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Gabriel Debray, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mont-de-Marsan, 5 août 1977. Sur la terrasse du café de la place Jean Jaurès, Gérard n'en croit pas ses yeux. Depuis 30 ans qu'il habite dans cette ville des Landes, préfecture du département du même nom, il n'avait jamais vu ça. Devant lui, c'est presque un sacrilège. Deux types au look provocateur sont en train de se baigner dans la fontaine. Ces deux garçons s'appellent Captain Sensible et Dave Vanian du groupe The Damned. Ils ont retiré leur Doc Martens et plongé d'un pied dans le bassin orné de fleurs. Il fait incroyablement chaud en ce 5 août 77, rien de tel qu'un bain de pied pour se rafraîchir. Autour d'eux gravite une petite foule de fans, la coiffure excentrique et aux vêtements reprisés avec des épingles à nourrice. Bière à la main, ils déambulent dans les rues en riant fort. Ça fait maintenant 2 jours que Gérard a remarqué ces silhouettes étranges dans la ville. Des grappes de jeunes au look de marginal ont débarqué et élu domicile à l'hôtel du Sablard, juste à côté de la place. Où il avait bien vu les affichettes tapissées sur les murs de la ville qui annonçaient le festival Punk ou Punk, on ne savait pas comment dire à l'époque. Et il commence à comprendre quand même de quoi il s'agit. Devant les arènes de Plumasson, en tout cas, la foule commence à grandir. C'est la deuxième édition de ce festival punk. L'année précédente, c'était un événement, pensez donc, le premier festival du genre, non pas de France, mais du monde. Or, les arènes étaient restées un peu vides, un peu trop en avance probablement sur la mode. Le punk n'avait pas encore trouvé son public en France. Mais pour cette édition 77, là, il y a foule. Il faut dire que les organisateurs du festival de Mont-de-Marsan sont des passionnés. Eux, le punk, ils le connaissent et l'écoutent depuis longtemps, même avant qu'on ne l'appelle vraiment comme ça. On disait encore simplement rock ou pub rock quand il était joué dans les pubs, logique. L'idée du festival a émergé chez Marc Zermatti, le monsieur punk français. Il vit à Paris, mais il vient des Landes. Avec ses copains de la région, ils rêvent de faire venir leur groupe favori dans le sud, très à l'ouest, un peu comme eux. Dans les rayons de l'Open Market, son magasin de disques à Paris, Marc a collectionné les meilleurs albums des Ramones, Patti Smith, des New York Dolls et des Stooges, autant de groupes américains bruts et énervés qu'il adore. Et petit à petit, leurs jeunes frères, presque des héritiers, les ont rejoints dans les bacs. Des groupes londoniens qui ont la rage de jouer fort et vite. Des Français qui crient leur dégoût de la société giscardienne, des Allemands en crise face au communisme. Autant de groupes marginaux qui dessinent les contours d'une nouvelle contre-culture, conscients et sûrs qu'ils ont des choses à dire sur leur temps. Il se trouve qu'en cette année 77, le punk est devenu la tendance numéro 1 dans le monde du rock. Aléa de la mode ou véritable révolution culturelle ? Comment une musique si confidentielle, confinée aux clubs obscurs des capitales européennes, est-elle devenue en si peu de temps l'un des plus grands mouvements musicaux des 50 dernières années? Septembre 1976, Paris, quartier des Halles. Autour de la fontaine des Innocents, les pavés sont plutôt déserts. Il est 10h, les jeunes font la grasse matinée, les balayeurs ont déjà fini leur chorégraphie matinale et seuls quelques touristes flânent à la recherche de souvenirs à rapporter chez eux. Dans les halles, les boutiques commencent à s'ouvrir. Un peu fatigué, Marc Zermati relève la grille de son magasin de disques, l'Open Market. Cette boutique, il l'a ouverte en 1972 pour vendre la musique qu'il aime, des vinyles de groupes de rock américains ou anglais qu'on ne peut pas trouver à la Fnac. L'un des disques qui se vend le mieux chez lui est celui d'un groupe américain qui, bon, les Ramones. D'abord, ils ont un look, cheveux longs, perfecto noir, pantalons déchirés, chaussettes usées. Le groupe s'est formé en 1974 à New York. Ses chansons reviennent à la base du rock'n'roll. Guitare, basse, batterie, sans chichi. Les mélodies sont courtes, les paroles simples, la batterie énervée. Très vénère. Plus les concerts passent et plus les Ramones accélèrent leur jeu. Au bout d'un certain temps, leurs titres, qui faisaient 3 minutes en moyenne, ne font plus qu'une 30 sur scène. À l'image de leur tube, Blitzkrieg Bop, aux paroles simples, Hey ho, let's go. Hey ho, oh, let's go. Hey ho, oh, let's go. Hey ho, oh, let's go. Hey ho, oh, let's go. Hey ho, oh, let's go. Hey ho, oh, let's go. Hey ho, oh, let's go. Marc Zermati est fan de cette énergie-là, celle qui rend fou le public, donne envie de se battre, de tout casser. Sa sélection de disques se concentre sur ces groupes-là, encore rares et underground. Et pour le festival qu'il monte à Mont-de-Marsan, il veut faire la même chose. Il n'a aucune envie de mettre en avant les mêmes groupes que les autres, non. Il veut montrer ce nouveau rock brut, violent. Et si la première tentative pendant l'été 1976 a été un échec, on l'a dit, Marc Zermati reste déterminé. Il y aura une deuxième édition. Car il sent que le vent est en train de tourner dans la bonne direction. Cela fait d'ailleurs quelque temps que de plus en plus de jeunes au look étonnant se retrouvent autour de sa boutique envahissant le quartier. Le mouvement commence même à intéresser les médias qui ne savent pas très bien par quel bout le prendre. L'image de Gérard Holtz sur Antenne 2. Autre temps, autre mœurs, êtes-vous punk ? Bon, c'est facile à vérifier, vous vous mettez en face d'un miroir. Si vous avez les cheveux courts, rouges, si vous avez une épingle ou un clou planté à travers la joue, si vous avez de petites croix nazies dessinées sur le front, bref, vous êtes un paumé et vous êtes un punk, c'est la traduction anglaise. Marginal, bien sûr, comme tous ces mouvements de révolte qui se sont succédés depuis les zazous, les rockers et les hippies. Avec le punk, la philosophie est simple, révolte intégrale, toujours plus loin dans la provocation. Et oui, les jeunes en ont assez de la pop gentille des années 70 qui ne leur permet pas d'exorciser le mal-être de l'époque. Un peu partout dans le monde, les années dorées, les Trente Glorieuses commencent à ternir. Le chômage augmente, les deux chocs pétroliers ont mis l'Occident face à la plus grande crise depuis 1929 et nous ont fait entrer dans la période regrettable que nous connaissons aujourd'hui. Alors, la musique devient un moyen de combattre la morosité ambiante. Et le punk fait du bien. Il est un exutoire, comme l'explique Alain Pacalis, journaliste spécialisé dans le punk et musicien punk lui-même. C'était en 1978 dans l'émission À suivre, qui ne fut jamais diffusée d'ailleurs. C'est par rapport au mouvement hippie qui était un truc de non-violence, les gens qui étaient assis par terre à un concert, qui ne bougeaient pas. Et les punks, comme ils ont pris le contre-pied, c'est évidemment de bouger le plus possible. Et il y a tout un certain culte de l'image de la violence, comme dans le rock, qui fait partie du sadomasochisme, les colliers de chiens, tout ça. Et à Londres, c'est très très répandu, dire un concert, tout le monde fait semblant de s'adresser, tout en se battant pas vraiment, c'est uniquement une image extérieure. C'est-à-dire les gens dansent le pogo, se poussent les uns les autres jusqu'à ce qu'ils tombent par terre. Mais quand même, il faut attention à ce que personne ne soit vraiment blessé. Progressivement, cette attitude désinvolte et brutale gagne les nuits parisiennes. De plus en plus de clubs accueillent cette population extrême, avide de sensations. Les soirées voient aussi apparaître de nouvelles drogues. Les psychotropes dont les hippies étaient fans sont remplacés par des amphétamines qui poussent les corps dans leur dernier retranchement et gardent éveillés toute la nuit. Mais à Paris, pour le moment, ce n'est encore qu'une minorité de jeunes qui suit la mouvance. Et c'est en Angleterre, la patrie du rock, que la mayonnaise prend. ...1975, King's Road, à Londres. Un an avant le premier festival punk, c'est là que le phénomène gonfle. Devant la boutique de Vivian Westwood et Malcolm McLaren, sobrement de Wessex, la rue grouille de monde. Des dizaines de jeunes londoniens s'y donnent rendez-vous chaque jour. Ils y viennent tuer le temps sur les trottoirs, buvant des bières et comparant leurs vêtements. Certains arborent des croix gammées, d'autres des slogans écrits à la main sur le cuir de leur veste, comme « No Future » ou « I Hate Pink Floyd ». Leurs visages sont percés, tatoués, leurs cheveux colorés, coupés de façon asymétrique et bourriffés avec du gel ou de la bière. Mais l'âme punk dépasse le simple look. Le mouvement est total. Il touche la musique, l'art, devient un phénomène sociétal. Les punks créent leur propre langage, excluant ainsi une partie de la société. Envahissant, ils produisent l'événement. Ils sont une cassure dans l'Angleterre conservatrice des années Thatcher. Leur attitude, rebelle, se construit en réaction à l'époque, justement. La politique du gouvernement est agressive envers les classes populaires, les conditions de vie sont rudes, il y a des coupures de courant fréquentes, un fort taux de chômage. Alors, pour la jeunesse anglaise, même issue de la classe moyenne, l'avenir présente peu d'espoir. Désœuvrés, ils s'ennuient. La culture pop, faite pour les divertir, ne les amuse plus. Les Beatles, les Stones, sont autant de groupes qu'ils jugent lisses et qu'ils rejettent. Malcolm McLaren explique pour Antenne 2 ce qu'est l'essence de la mode punk. La stratégie de la culture, pour une grande part, ne nous montre pas comment retrouver les lois de base, comment plonger aux racines. En fait, ce que nous faisons avec la musique et dans la mode, c'est vraiment la recherche consciente pour découvrir, à travers toutes les époques, les valeurs authentiques qui sont les nôtres. La boutique Sex, donc, devient rapidement le cœur de cette nouvelle mouvance Destroy, un lieu de recherche pour une identité propre à cette contre-culture. Dans les rayons de Sex, les vêtements sont déstructurés, les matières sont synthétiques, flashy, on utilise du cuir pour rappeler la culture sadomasochiste. Les jambes des pantalons sont entravées par des sangles qui rendent parfois la marche difficile, on en voit même quelques-uns sautiller pour se déplacer. Le look porte aussi un message politique. L'Union Flag, le drapeau du Commonwealth, est détourné tout comme l'image de la reine. Le but est évidemment de provoquer, la laideur est assumée. Pour autant, chez Sex, il n'y a pas que les vêtements qui sont faits pour choquer. La décoration de la boutique non plus ne fait pas dans la dentelle. Le sol et les murs ont été recouverts d'un revêtement visqueux et rose qui rappelle l'intérieur d'un vagin féminin. Un trou est percé dans le plafond, comme si une bombe avait éclaté sur l'immeuble. Et puis dans une cage qui dépasse, un rat vivant ronge un morceau de pain, c'est la Destroy attitude. Mais les vêtements vendus chez Sex sont chers, trop chers pour leurs jeunes clients qui ne vivent que du maigre argent de poche que leur donnent leurs parents. Pas grave, Vivienne Westwood le revendique, elle est là pour inspirer. Entraînant dans les rayons, les clients trouvent en effet des idées, non plus qu'à les reproduire avec les moyens du bord. Alors, tout le monde s'essaie à la couture, détourne des objets, donne des coups de ciseaux. Do it yourself sont les maîtres mots. Fais-le toi-même. Les médias ne veulent pas parler de leur musique? Pas de problème. On crée son propre journal et là encore, c'est la débrouille qui prime. On fait des collages, on écrit des textes qu'on photocopie à la chaîne. L'âge d'or des fanzines commence. Petit à petit, grâce à ces fanzines ramenées de Londres par des passionnés, c'est toute l'Europe qui est gagnée par le mouvement. À Paris aussi, les conservateurs découvrent cette vague provocatrice et ils s'en méfient. La France corsetée n'aime pas ces jeunes débraillés et drogués. C'est aussi parce que si les musiciens ont la vingtaine, leurs fans, eux, sont beaucoup plus jeunes. Alors les parents d'ados punk commencent à s'inquiéter. La mère d'un punk a voulu rester anonyme. Qu'est-ce qui vous gênait dans ce phénomène? Elle a commencé à vouloir s'habiller un peu comme les punks. Mmh. J'avais découvert dans son armoire une veste déchirée, reprise par des épingles de sûreté. Et je lui ai dit que ça ne me plaisait pas. Le phénomène punk vous faisait peur. Par quel biais le connaissiez-vous? C'est-à-dire, vous avez cherché à vous informer sur ce que c'était réellement? Non, pas que j'ai cherché à m'informer, mais les revues hebdomadaires nous en ont informé. Les matchs, les L. Et mon fils disait que ce n'était pas la vérité. Ce n'était pas ça le vrai punk. Mais alors, je lui ai dit, mais c'est quoi alors? Alors il dit, mais c'est trop compliqué, vous ne pourrez pas comprendre, c'est une histoire de jeunes. Moi, il me semble que ce sont un peu les blousons noirs de l'époque qui reviennent sous une autre forme maintenant. Même si la vague punk commence à toucher toute l'Europe, c'est Londres, et plus particulièrement King's Road, qui reste l'épicentre du mouvement. Et c'est dans cette ambiance, provocante mais pas dénuée d'humour, que va avoir lieu l'une des rencontres les plus déterminantes de l'histoire de cette musique. Nous sommes en août 75. Deux jeunes punks traînent à l'avant de la boutique et discutent avec Malcolm. Ils ont envie de monter un groupe, mais ils sont en mal de chanteurs. Qu'à cela ne tienne, Malcolm McLaren a l'esprit d'entreprise. Et il flaire là une opportunité pour faire de la pub pour sa boutique. Une idée lui traverse alors l'esprit, l'idée qui fait date. Je ne sais pas qui pourra chanter pour vous, mais vous vous appellerez les Sex Pistols, les pistolets de sexe. Ils seront ses émissaires. D'autres types ont entendu l'échange. Vous devriez prendre John, il est bon, il a la classe. Le John en question s'appelle John Lydon, alias Johnny Rotten. Il s'est déjà fait remarquer pour son assurance sur scène dans des groupes de pub rock. S'ajoute l'un des employés de la boutique, un certain Glenn Matlock à la basse, et voilà, les Sex Pistols sont formés. Malcolm McLaren devient immédiatement leur manager. Leur style est marqué par une profonde désinvolture et un certain humour acide et rebelle. Et c'est bien ce comportement qui les élèvera au rang de mythes. En janvier 1977, l'Angleterre célèbre le jubilé de la reine Elisabeth. Des centaines de manifestations, repas, événements sont organisés dans tout Londres en l'honneur de la monarque. Malcolm McLaren, dans tout son génie marketing, a choisi ce jour-là pour programmer ses poulains en concert sur un bateau, sur la Tamise, et sortir le nouveau single des Sex Pistols, God Save the Queen. King, punissez les punks, les titres outrés se multiplient dans la presse. La provocation est suprême en Grande-Bretagne où le crime de lèse-majesté existe encore. Et bien évidemment, le succès est à la hauteur du blasphème, immense. Le single est immédiatement placé en tête des charts, ce qui ne plaît guère aux autorités qui demandent aux boutiques de falsifier les chiffres et de faire baisser le titre dans les classements. Mais cette stratégie ne suffit pas à faire taire les Pistols. Le succès planétaire, le mouvement punk explose. Il est mondial et devient un vrai phénomène qui intéresse sociologues et philosophes. Un certain Jacques Attali, expert en jeunisme, en parle à la télévision dans l'émission Hebdo Chanson, Hebdo Musique en 1977 sur France 2. Il existe des façon de faire de la musique, de l'inventer, de la créer, de la vivre dans des endroits beaucoup plus proches des hommes, où chacun ou crée ses propres instruments, ou crée sa propre musique, et en tout cas la vie de façon créative. Je crois que c'est peut-être un moment où ce que nous venons de voir indique assez bien l'extraordinaire destruction de la culture passée dans l'économie capitaliste en général, que peut naître cette révolte. C'est peut-être en cela que cette musique est intéressante, comme étant la marque d'une mort et en même temps d'une renaissance. Et pour vous, Patrick Juvert, disco en français, ce n'est pas du tout la même chose. Vous savez, je crois qu'il faut faire très attention quand on essaie de réfléchir à une culture, de ne jamais mettre des noms. Car un grand créateur en lui-même n'est pas quelque chose, il s'inscrit dans un courant. Dans un phénomène. Et quel que soit le créateur même, il n'est en lui-même que reflet d'un courant général. Son génie lui est évidemment propre, mais pour un sociologue, quelqu'un qui regarde la société, et les rapports entre la musique et la société en particulier, il faut surtout prendre garde à ne pas classer les individus. En un rien de temps, le phénomène traverse la Manche. Dans sa boutique parisienne, Marc Zarmati commence à rouler sous les disques de jeunes groupes français qui se mettent au punk. Il profite alors de son propre label, Skydog, qu'il a monté quelques années plus tôt pour en produire quelques-uns. Dans les rayons de l'open market, on se passe des fanzines fabriquées avec les moyens du bord, à la mode anglaise. Les groupes se montent par dizaines dans les clubs de Paris, Londres, Berlin, Belfast, et se démontent aussi vite car il n'y a pas d'ambition dans le punk. On prend une guitare, on pousse le son au maximum et c'est suffisant pour jouer sur scène devant un public déjà conquis. L'industrie musicale est perdue, mais que faire de cette déferlante de non-artistes qui réussissent pourtant à fédérer un public? Que faire de ces jeunes rebelles qui refuseront de se plier au conseil des producteurs, qui cassent des chambres d'hôtel, se droguent, se battent dans les salles de concert? On raconte qu'une fois au cours d'un concert des Sex Pistols, Vivienne Westwood, qui s'ennuyait, aurait décidé de filer une claque à sa voisine qu'il ne connaissait pas, oui, juste comme ça, pour s'amuser. S'en est suivi une énorme baston à laquelle Johnny Rotten, le chanteur des Sex Pistols en personne, s'est joint en se marrant. Spectaculaire, certes, donc potentiellement lucratif, mais aussi extrêmement risqué pour les professionnels de la production. La légende punk prend de l'ampleur, on raconte des histoires d'oreilles arrachées avec les dents de coupure avec des tessons de bouteille. S'il y a bien un marché, toute la stratégie consistera donc à signer le groupe qui réussira à condenser le mouvement tout en prenant le minimum de risques. Pour Marc Zarmati, qui est en pleine programmation du deuxième festival punk de Mont-de-Marsan, c'est une évidence, le groupe qu'il lui faut, c'est bien les Sex Pistols. Chez EMI, l'une des plus grandes maisons de disques d'Angleterre, la conclusion est la même. Ce sont eux les stars, ils ont tout, l'attitude, les chansons efficaces, la rébellion, la notoriété et le look. D'autant que depuis peu, le bassiste Glenn Matlock a été remplacé par une nouvelle bête de scène, un certain Sid Vicious, Sid le vicieux. Ce type-là est déjanté, n'hésite pas à casser avec ses dents des bouteilles de bière en plein concert. Grand spectacle assuré. EMI signe avec McLaren. Et c'est le premier contrat de l'histoire entre un groupe punk et une grande maison de disques. En parallèle à la formation des Sex Pistols, Lernie Rhodes, un pote et admirateur de McLaren, décide de suivre son exemple et prend sous son aile une autre formation, écoutez bien, les Clash. Contrairement aux Pistols, qui sont de piètres musiciens et dont le son est marqué par des riffs basiques et des paroles hurlées, les Clash, eux, ont un style beaucoup plus élaboré. Leur musique transpire les influences reggae, les paroles sont plus construites, les textes engagés. Et n'ayons pas peur des mots, leur musique parfois tutoie le chef-d'œuvre, notamment dans leur premier opus intitulé tout simplement Clash, avec notamment London's Burning. Dans une émission de France 2, en 1977, Philippe Manœuvre les interroge sur leur engagement politique. Je crois que Clash est quand même assez connu au milieu de tous les groupes punk anglais pour être le plus politisé de tous. I think you've been said to be a political group. Yes, I have said it. Yeah, it's true, sort of. Okay, oui, c'est vrai, c'est un groupe politique. How? I mean, how does it work in the life of every day to be a political punk band in England? Oh, right. Well, it's a street politics, not like it's not political parties. Ce n'est pas un parti politique à gauche ou à droite, mais c'est la vie dans la rue. « C'est vrai, tout au long de leur histoire, les chansons des Clash rendent hommage aux mouvements politiques qui ont lieu à l'époque en Angleterre. Entre 1972 et 1985, les émeutes sont fréquentes à Londres et dans tout le Royaume-Uni. La politique de Margaret Thatcher, terriblement austère, a augmenté la précarité de nombreuses populations. Dans les villes moyennes, les mineurs montent des grèves historiques. Dans les quartiers populaires, les émeutes se multiplient. En 1976, par exemple, le carnaval jamaïcain de Notting Hill dégénère. L'événement inspirera au Clash l'une de leurs chansons les plus célèbres, White Riot. Finalement, le carnaval antillais de Notting Hill, dans la banlieue de Londres, s'est terminé en émeute hier soir. Quelques jeunes d'origine jamaïcaine ont commencé à lancer des bouteilles sur les services d'ordre. Combats de rue, matraques, blessés. Bilan de cette émeute, 391 blessés. Et malgré ces incidents, les organisateurs ont décidé quand même que le carnaval aura lieu l'année prochaine. Les deux tendances qui marqueront le punk se dessinent alors. Chez les Clash, on fait de la musique presque avec sérieux, en tout cas dans une démarche politique, gardant du punk sa défiance de l'autorité et son efficacité rythmique. Chez les Pistols, on respire le nihilisme et le rejet des institutions avec un certain humour. Eh bien, Mark Zermatti les veut tous les deux, oui, les Clash et les Pistols. Si les Sex Pistols jouent à Mont-de-Marsan, le festival fera un carton. Mais malgré toutes les négociations qu'il engage, le manager du groupe, Malcolm McLaren, refuse. Il n'a que faire de ce festival Frenchie, si loin de Londres. Non, lui, il vise les États-Unis, où il a prévu d'envoyer les Sex Pistols en tournée. Et c'est un moindre mal, les Pistols sont de plus incontrôlables. Et puis finalement, Mark Zermatti s'en est bien sorti. Il a plus d'un tour dans son sac, celui-là. Et surtout, les Clash ont accepté de venir. Donc, à Mont-de-Marsan, l'affiche est belle. Côté anglais, on trouve donc The Clash, Police, The Jam, The Damned, excusez du peu. Côté français, les groupes se nomment Sinky Toys, Bijou, Dr. Feelgood, de quoi faire venir du monde. Le soleil est écrasant ce début de mois d'août dans les Landes. Dans les arènes, l'excitation monte. Alors, avant d'ouvrir les portes, les organisateurs tartinent des kilos de baguettes de pain avec du pâté et des rillettes et sortent les fûts de bière. Le punk, ça creuse et ça donne soif. Sur les gradins, les musiciens arrivaient un peu plus tôt dans un gros bus jaune, vide des bières et profitent du soleil. Puis ils sont rejoints par la foule des passionnés et des curieux sur la terre battue des arènes de Plumasson. Vers 17h, les concerts commencent. Des formations françaises peu connues enchaînent les 7 survoltés. On croise plusieurs têtes qui marqueront l'histoire de la musique en France, comme Elie et Jacques Noe, leaders des Stink Toys. En fin d'après-midi, ils balancent leur tube efficace, Plastic Faces. Elie, il faudrait, mais peut-être très vite, raconter comment vous vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés au lycée. Quel lycée? Victor Hugo et Charlemagne. Et alors, c'était une bonne ambiance? Oui, on était tous sous, c'était bien. Tous sous? Complètement, oui. Et le groupe, le nom, ça veut dire exactement quoi? Toys, c'est jouets, et Stinky? Ouais, c'est puant. Des jouets puants? Oui. La chanson? C'est Plastic Faces. Plastic Faces, les Stinky Toys. Certes, la bière descend à grande vitesse, mais tout le monde se tient plutôt bien. À 19h, c'est le groupe The Police qui entre en scène, avec à la basse le jeune Sting, déjà teint en blond. La musique est forte, mais le public applaudit sagement et pogote gentiment. Pogote, néologisme tout droit sorti du pogo, danse punk qui consiste à sauter jusqu'au bout de ses forces, une sorte de transe, mais qu'on peut danser également plus sagement. Si bien qu'à Mont-de-Marsan, l'ambiance est celle d'un classique festival rock. Très bien, mais où est passée la foule punk? Heureusement, les Dames sont là pour faire honneur à leur mouvement. Captain Sensible, leur leader, est vexé de jouer avant les Clash, présentés comme la tête d'affiche du festival, alors que ils étaient déjà là l'an dernier. Captain Sensible n'a pas non plus apprécié le petit caprice de Joe Strummer, le chanteur des Clash, qui a fait afficher en fond de scène une immense photo de manifestants en train de se battre avec la police. L'image même qui orne la pochette de leur album. Pour les Dames, pas question de jouer dans ces conditions. Eux, ils sont là pour faire du son, pas de la politique. Les organisateurs leur obéissent. Pendant le concert des Damned, une bâche noire recouvre la photo des Clash. Mais ça ne suffit pas à les calmer. Alors dans les loges, ils continuent à se chauffer à grand renfort de whisky et de speed. Puis c'est au tour des Clash, la bande de Joe Strummer, de monter sur scène pour jouer leur tube punk teinté de reggae. Ils commencent par cet hymne en l'honneur des révoltes londoniennes intitulé « London's Burning ». Les Dames sont en backstage et fomentent leur vengeance. Au milieu de la quatrième chanson, Strummer a beau gratter sa guitare de toutes ses forces, aucun son n'en sort. Derrière le rideau, Captain Sensible rompt comme une barrique se marre. Il vient de débrancher les prises des amplis de ses ennemis et jubile. Le temps qu'on comprenne d'où vient la panne, une odeur immonde envahit la scène et gagne le public. C'est l'odeur des boules puantes que les Dames, tels de petits gamins insolents, viennent de balancer sur scène. Le staff des Clash ne se laisse pas faire. Captain Sensible est projeté le dos en premier contre les barrières de sécurité. Il s'en sort indemne. Les drogues sont de bons anesthésiens. L'essence du punk s'est donc exprimée. Une désinvolture insolente, doublée d'un humour de cancre un peu régressif et une certaine insensibilité à la douleur, pour ne pas dire un goût pour la violence. Le mouvement punk semble au sommet de sa gloire. Le deuxième festival de Mont-de-Marsan est une réussite, les disques des quelques stars du mouvement se vendent comme des petits pains, même les apparitions des groupes à la télé, pourtant extrêmement provocatrices, sont un succès. Pourtant les heures du punk tel qu'il est né sont comptées. À l'image de la musique qu'il porte, l'histoire du punk fut rapide et efficace. En 1978, les premiers remous se font déjà sentir. Sid Vicious, le nouveau bassiste des Sex Pistols, s'est trouvé une nouvelle petite copine, Nancy Spagan. Or, Nancy est une toxicomane et rapidement, elle embarque Sid dans sa passion pour l'héroïne. Sid Vicious devient de plus en plus difficile à canaliser. C'en est trop pour ses camarades. Et le 14 janvier 1978, Johnny Rotten ne le supporte plus et décide de quitter le groupe. Alors maintenant, avec Jean-Bernard Hébé, l'animateur de Poste Restante sur RTL, je voudrais évoquer le phénomène punk. Le groupe le plus fameux de cet art a décidé de se saborder en pleine gloire après 6 mois d'existence seulement. Il s'agit des Sex Pistols. Alors, qui étaient-ils ces Sex Pistols, Jean-Bernard Hébé? Sex Pistols, c'était 4. Les deux membres les plus célèbres avaient des noms déjà exotiques, c'est le mot qu'on puisse dire, puisqu'il s'agissait de Jeannot le Pourri, Johnny Rotten et Sid Vicious, Sid le Vicieux. Au départ, le but des Sex Pistols, c'était de jouer dans des tout petits clubs pour 500 ou 600 personnes et vraiment d'être au contact du public. Et puis, c'est devenu de plus en plus gros, ce sont devenus des superstars. Et Johnny Rotten, dans un superbe geste magnifique, s'est suicidé, presque au vrai sens du terme d'ailleurs, et ils ont décidé d'arrêter. Alors, les Sex Pistols n'existent plus. Nous allons, je crois, verser quelques larmes, en tout cas moi. Quelques mois plus tard, Sid Vicious s'est retrouvé à moitié inconscient à côté de sa copine Nancy Spagan, morte poignardée. Le bassiste est accusé du meurtre, puis relâché sous caution. Il finit par mourir d'overdose en février 1979. Au même moment, les rues de Londres voient apparaître de nouveaux looks. Les yeux sont maquillés de noir, les couleurs flashy et les motifs écossais du punk troqués pour des fringues plus sombres. une nouvelle vague fait son arrivée, la New Wave met enfin à la déferlante punk. Mais pourtant, le mouvement continue à résonner aujourd'hui, et comble de l'ironie, on trouve même un certain chic à se revendiquer punk. Peut-on dire alors, et selon la phrase consacrée, que punk is not dead? Sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les punks, notre invitée Caroline de Kergariou. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes scénariste et auteur dramatique. Vous avez notamment écrit plusieurs fictions pour Affaires Sensibles. Alors vous êtes, on va dire, concerné ou touché, je ne sais pas, par le mouvement punk dès 1977. Et vous avez écrit pour plusieurs magazines musicaux. Et vous êtes l'auteur surtout de ce gros livre intitulé No Future, une histoire du punk, publié aux éditions Perrin. Première question, avez-vous été punk vous-même ? Alors avant de répondre à cette question indiscrète, je voudrais revenir sur deux petites précisions par rapport à ce qui a été dit précédemment. Le punk n'a pas du tout été une réaction à l'Angleterre de Margaret Thatcher, parce que celle-ci n'est arrivée au pouvoir qu'au printemps 1979, alors que le punk anglais a démarré, on a vu, à peu près au milieu de 1975. Donc, mais c'est plus tard que le mythe du punk anti-Thatcher s'est cristallisé. Il y a beaucoup de mythes modernes qui se forment comme ça. Et ça correspond toujours à des réalités psychologiques profondes. Mais c'est faux. Et deuxième chose, Johnny Rotten, à ma connaissance, n'a jamais chanté avant les Sex Pistols dans des groupes de pub rock. Alors si c'est vrai, c'est une information confidentielle qui est cachée au fond de coffres de banques suisses. Voilà. Bon. Et alors pour répondre à votre question, oui. J'ai percuté le mouvement punk... En juin 1977, ça a été vraiment une révélation et je suis toujours punk depuis. Qu'est-ce que ça veut dire être punk et aujourd'hui pour vous ? Être punk, c'est beaucoup, beaucoup de choses. C'est très, très compliqué parce que le mouvement punk a 40 ans. Il s'est développé et temporellement et dans l'espace. Donc il a commencé à prendre des tas de visages très très différents. Au départ, le punk, c'est un mouvement musical qui est basé sur l'oubli du passé, du moins du passé récent. À la fin de la première moitié des années 70, la musique était devenue boursouflée, savante, expérimentale. C'était la musique planante, des morceaux qui faisaient entre 15 et 30 minutes, qui généralement étaient impossibles à reconstituer sur scène. Les musiciens étaient très très éloignés du public, et par l'âge, et par le niveau de fortune, et par la dextérité, la virtuosité. C'est contre ça que les punks se sont élevés. Parce que vous trouvez que les punks sont plus virtuoses que les Pink Floyd, ou? J'ai dit que les... Ah bah si, c'est ce que vous dites. Que les punks se sont élevés contre la virtuosité. Ils s'élèvent contre la qualité, s'élèvent contre la virtuosité, c'est une façon d'être. Hein. Oui, absolument, parce qu'ils trouvent que c'est ennuyeux. Ah bon, vous trouvez que c'est ennuyeux? Oui, les concerts... Vous avez le droit de trouver que c'est ennuyeux, que les Beatles sont ennuyeux, que Floyd est ennuyeux, on peut, ça fait partie des goûts. Les Beatles n'étaient pas en lice à cette époque-là. Les groupes auxquels les punks se sont attaqués, c'est Yes, par exemple. Ah oui, Yes, ah. Oui. Bon, enfin, ils ont dit quand même... ils ont dit qu'ils détestaient Floyd, ils le disent en toutes lettres quand même. Johnny Rotten, qui est un petit malin qui aime bien la dérision, avait effectivement fabriqué ce t-shirt « I hate Pink Floyd », mais il a avoué très très vite qu'il l'aimait beaucoup. Il y avait un sens caché alors. Oui. Bon. Écoutez, pour Alain Pacadis, on va écouter une archive et on va revenir à notre discussion. Bien sûr, les punks sont des romantiques. Alors, je ne sais pas si vous pensez qu'ils sont romantiques également. En tout cas, il le dit au micro de Nicole Cornu-Langlois en 1978 sur Antenne 2. Sur certains aspects, évidemment, les punks rejoignent les romantiques. Parce que d'abord, ce sont des jeunes, ils sont très jeunes, ils ont entre 14, 15, 16 ans. Et évidemment, il y a chez les punks un certain désespoir devant l'impossibilité de rien faire. Les Sex Pistols, le groupe punk numéro 1 en Angleterre, disent toujours « nos futurs, il n'y a pas de futur pour nous, il n'y a pas de futur pour nous dans la société où nous vivons et il n'y a qu'une solution, c'est de fuir dans le rêve, de fuir dans un autre monde et de s'éclater, de s'étourdir à force de boire, de danser. Les danses punk sont très violentes, le pogo, il suffit de sauter de manière très violente. Et c'est en ce sens que les punks rejoignent un peu les romantiques. Vous pensez que le punk est romantique, vous aussi ? Peut-être pas, comme l'entend Alain Pacadis. Et je ne pense pas que les punks soient désespérés. Ils sont plutôt en rage. Mmh. Je parle des punks anglais, hein, parce que la situation est un petit peu différente ailleurs. Les punks anglais sont en rage contre la situation économique qui leur est faite. Effectivement, ils se disent qu'ils n'ont pas de futur dans l'environnement de 1977 en Angleterre. Mais je ne pense pas qu'ils baissent les bras, au contraire. Ils vont se battre. Alors, ça c'est l'exemple anglais, oui. Donc qui a fait école, hein, tout du à punk fait. En France, du punk en Allemagne, c'est quoi les différences? Ça a été une exportation, est-ce que ça a été dénaturé ou est-ce qu'on était vraiment dans l'esprit des Anglais? En France par exemple, et en Allemagne, parce que je pense à Niederhagen, et puis la France bien sûr, avec nos groupes punk. Le punk a émergé à peu près au même moment dans quatre capitales grandes villes qui sont New York, Londres, Paris et Bruxelles. Et ça vient du fait que les acteurs du punk de l'époque sont très très très peu, ils sont une cinquantaine et ils s'échangent. Des Parisiens vont très très régulièrement à New York et rapportent des idées, des photos de la musique à Paris. Michel Esteban, par exemple, qui va fonder un fanzine. Chris Stein de Blondie est à Londres, sans doute en vers 74. Il écoute un morceau de Dr. Feelgood, qui est un groupe londonien de pub rock. Il revient avec le disque à New York et ça va l'inspirer pour Blondie, pour la maigreur de Blondie. Donc il y a des circulations comme ça en permanence, et c'est vrai aussi pour Londres, Bruxelles. Et donc ces quatre punks-là sont très proches parents. Le punk va faire aussi école ailleurs, en Allemagne de l'Ouest, à Berlin et également en Allemagne de l'Est. Voilà, en Allemagne de l'Est. Et Nina Hagen est en Allemagne de l'Est au départ. Et comment le punk arrive à, qui est quand même déviant pour un système comme le système totalitaire est-allemand, peut-il s'exprimer ? Ennemi public numéro un. J'imagine, ouais. Il ne peut pas du tout s'exprimer. Mmh. Il s'exprime de manière souterraine ou dans des galeries d'art, dans des églises protestantes. Il y a une espèce de no man's land des églises protestantes en Allemagne de l'Est. Donc les punks peuvent s'exprimer là, à la grande horreur des fidèles et également des pasteurs. Mais enfin, c'est un espace de liberté. Ils vont essayer de contourner la censure par tous les moyens, mais ils ne le font pas toujours finement. Il y a des paroles qui sont explicitement « écrabouiller le flic comme une crêpe ». Je ne sais pas si c'est très... Si cette personne a vraiment le goût de la vie en Allemagne de l'Est à cette époque-là, la plupart des musiciens vont se retrouver en prison. Ce qui n'est pas étonnant vu la nature du régime et la nature de cette culture. Alors, on pourrait dire que le punk mène à tout à condition d'en sortir. Je pense au groupe Clash, bien sûr. Mais on reviendra à Clash. D'abord, une autre question. Quel est pour vous le groupe, s'il fallait donner le groupe emblématique de la culture punk ? Ça a été lequel ? Les Sex Pistols ? Ce sont les Sex Pistols. Pourquoi ? Oui, tout à fait. Parce qu'ils ont défini le canon punk, la façon de jouer, le son, la façon de chanter. Johnny Rotten a expliqué que sa façon très très particulière de chanter, il évoque un âne qui braie, venait du fait qu'il était il est d'une famille catholique et très pratiquante, et lorsqu'il était enfant, il fréquentait beaucoup les églises et il y avait des chorales. Les enfants qui avaient de jolies voix étaient recrutés pour la chorale, et tout le monde savait ce qui arrivait aux enfants de la chorale. Donc il y avait déjà des affaires de pédophilie. Ah d'accord, à cette époque. Donc, vous vouliez en venir. Okay. Donc il a voulu échapper à ça, et il a décidé de mal chanter pour ne pas être recruté dans les chorales. Voilà, c'est trop... voilà ce qu'il dit en tout cas. J'aime bien cette anecdote. Alors, aux antipodes de cela, je disais, le punk mène à tout à condition d'en sortir. Il y a Clash qui est punk, mais qui dès son premier opus, qui s'appelle The Clash, tout simplement, prend déjà un soin énorme dans les arrangements, dans la musique, et un métissage entre le punk et le reggae. Je pense au morceau qui est une merveille, Police and Thieves, qui se trouve sur Clash. Donc là, c'est autre chose. On est dans autre chose. On est dans le punk, mais on va dire on est aussi dans le soin. Oui, tout à fait, parce que Joe Strummer est beaucoup plus âgé, c'est déjà un vieux musicien de pub rock, il a une grosse expérience, et d'ailleurs la plupart des mélodies de ce premier album de Clash ne sonnent pas très punk, parce qu'elles ne sonnent pas très nouveau. Lorsque l'album des Sex Pistols sort, tout le monde est éberlué parce que ça ne ressemble à rien. L'album de Clash est très apprécié, mais il ressemble déjà à des choses qui ont été faites, et en particulier, si vous connaissez le 33 tours des One Owners, qui est le groupe de pub rock de Joe Strummer juste avant Clash, vous verrez que vous retrouvez vraiment des choses très très proches. Et puis il va aussi plonger dans la musique traditionnelle anglaise, dans les ballades pour enfants, et évidemment le reggae, c'est la chose qu'on entend le plus. Bien sûr. Donc il y a beaucoup d'influences. Donc ça n'est pas une musique jeune, fraîche et spontanée comme Sex Pistols. À travers tout ce que vous dites, j'entends que pour la culture punk, c'est pas la musique qui compte, c'est l'attitude. Bon, en même temps, on peut aimer la musique, c'est assez compliqué. Est-ce qu'on peut aimer la musique et aimer les punks ? Oui. L'attitude des punks par rapport à la musique est très simple. Elle vient de cette réaction aux musiques très boursouflées, sophistiquées, contre lesquelles ils s'élevaient. Ils se disent... Ça serait dommage d'être obligé d'attendre d'avoir fait 20 ans de conservatoire pour faire de la musique. Ils veulent faire de la musique. Et ça reste quand même la motivation principale. C'est le départ. La musique, c'est le départ. C'est le départ. Mais quand même. Après, ça va prendre des proportions extraordinaires. Ça va devenir politique, philosophique. Ça va toucher d'autres arts et le monde entier. Mais au départ, c'est vrai que c'est de la musique. et cette génération a envie de faire de la musique sans être obligé d'acheter des instruments extrêmement chers, de s'entourer d'un orchestre philharmonique, ouais, de jouer dans un stade de foot. C'est le principe de base du punk, do it yourself, c'est-à-dire l'économie de moyens. Est-ce que il y a eu un schisme dans le punk entre les partisans de la voix empruntée par Sex Pistols et les partisans de la voix empruntée par Clash, par exemple? Au début, le punk est très très diversifié, donc il va pas y avoir de schisme. S'il y a un schisme, ça viendra beaucoup plus tard, mm-hmm, parce que à un moment, comme dans tout mouvement d'ailleurs, il y a un formatage, il y a une cristallisation du canon. Donc ça va venir plus tard. Mais au départ, c'est d'ailleurs, ce seront surtout les Sex Pistols qui vont avoir une influence. À chaque fois qu'il y a un concert des Sex Pistols quelque part, il y a 3 ou 4 groupes qui se forment. Ces groupes-là ne vont pas copier les Sex Pistols, ils vont faire leur truc. Alors, vous parliez tout à l'heure d'art punk qui ne touche pas que la musique. Mmh. Alors, où le punk a-t-il investi l'art ? Essentiellement dans le street art. Oui, bien sûr. Le street art, c'est un petit peu le do-it-yourself de la peinture. À cette époque-là, les jeunes artistes, surtout ceux qui faisaient du figuratif, n'avaient aucun espoir de trouver une galerie, que ce soit à Londres ou à Paris ou peut-être plus à New York. Et ils se sont dit, ben, prenons-nous en main, surtout dans le quartier des Halles à Paris. Il y avait Beaubourg qui était en construction, il y avait les Halles qui étaient en construction. Il y avait plein de palissades partout. Ils ont investi les palissades. Et ils se sont dit, notre galerie, ça va être la rue. Et c'est comme ça que ça a démarré avec des gens comme Speedy Graffito. Bon, beaucoup plus tard, il y a eu Jeff Aerosol, qui a été inspiré par un concert de Clash, justement, derrière lesquels Futura 2000 faisait une peinture murale. Mmh. Il y a eu les VLP. Enfin, tous les street artistes sont issus de l'esprit punk. Dernière chose, certaines personnes considèrent qu'être punk aujourd'hui, c'est assez chic, c'est même le comble du chic. Comment expliquer ce changement de statut pour ce mouvement qui était pourtant à vocation marginale ? C'est étonnant, ça ? Oui, oui, c'est tout à fait étonnant. Mais déjà, le mot punk est très, très étonnant parce qu'au départ, sous la plume de Shakespeare, il veut dire prostituée. Et peu à peu, au fil des siècles, ça devient paumé. Ça devient paumé et ça devient punk, musicien punk. Et ça, à partir du moment où le punk a commencé à investir le monde, et ce mouvement qui paraissait marginal, en fait, montre qu'il n'est pas du tout marginal parce qu'il rencontre des valeurs universelles, ça devient un compliment. Merci beaucoup Caroline de Cargario pour cet éclairage sur ce mouvement punk que vous connaissez si bien au point d'en avoir écrit un livre qui s'appelle Une histoire du punk, No Future chez Perrin. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les punks, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons l'affaire de Bruyant en Artois.